Je me cogne la tête contre les murs, je fais des mouvements incontrôlés, j'entends tout le temps comme des murmures, je pars en avant, je pars sur le côté. Mes parents disent pas grand chose, sauf que j'ai une maladie rare dont ils savent pas quelle est la cause, mais qui m'empêche pas d'être peinard. Depuis tout petit bébé déjà, je suis différent, je sais pas pourquoi. Faut dire que souvent je comprends pas pourquoi je suis un enfant comme ça. Pas beaucoup, je comprends rien, j'écoute mes vieux et puis j'oublie lorsqu'ils supplient de taire enfin après les larmes, après les cris. Telle est ma singularité. Je pense que ma vie est même pas triste. C'est ma vie, pour rien je la changerai. Je vis comme dans une espèce de bulle, je m'épanouis dans ma famille, même si des petits cousins trop nuls me voient comme un chien dans un jeu de quilles. Je suis partagé entre l'absence, l'indifférence de mon prochain, je me réfugie dans le silence, souvent je me blottis dans un coin. Et puis je dis rien pendant des plombes, jusqu'à ce que mon papa déboule. Il a toujours peur que je tombe dans ce vertige qui le chamboule. Alors je pars la tête en arrière, les yeux tout ouverts au grand ciel. M'arrive parfois de faire des prières, j'ai bien un Dieu, oui, mais lequel? Je suis enfant qu'on dit autiste. Telle est ma singularité. Je pense que ma vie est pas triste. C'est ma vie, pour rien je la changerai. Ce qui me fait venir des larmes aux yeux, ce qui m'éblouit dans ma galère, c'est pas le cinoche, c'est pas les jeux, surtout quand les jeux c'est la guerre. Non, ce qui me bouscule mon quotidien, c'est d'écouter, d'entendre aussi un petit prélude de Chopin, du Mozart ou du Vivaldi. Je secoue ma maman comme une bête, je pousse des colères pour qu'elle se décide à me refiler toutes ces cassettes qui me font frissonner le bide. Alors pour un temps, je m'évade loin des contraintes de la vie, de cette vie un petit peu crasse, je connais enfin le mot envie. Telle est ma singularité. Je pense que ma vie est même pas triste. C'est ma vie, pour rien je la changerai. Je suis enfant qu'on dit autiste. Telle est ma singularité. Je pense que ma vie est même pas triste. C'est ma vie, pour rien je la changerai. Allez! Je suis un enfant qu'on dit autiste. Telle est ma singularité. Ma vie, elle est même pas triste. C'est ma vie, pour rien je la changerai. C'est ma vie, pour rien je la changerai.